Ton visage m'apparaît depuis que le temps s'écoule. A trop le seum pour trouver le sommeil, il faut que je fume la moula. Tout le monde a préféré me tourner le dos là. À ce moment même, je crois que j'ai senti l'odeur des dollars. Ouais, trop de frères jouent de la guitare. Je vais t'emmener loin d'ici, ouais, j'ai ton cœur dans le visu. Nos parents n'avaient pas de visa. Aujourd'hui, je vais chez Louis Vuitton avec les autres enfants de la misère. La noche, je vends la coco parce que demain, je paie la cuenta. Parce que demain, je paie la cuenta. La noche, je vends la coco parce que demain, je paie la cuenta. Yazina, écoute-moi, je suis bloqué dans le bendo. Ça, je suis dans la zik, Yazina. Mais rien n'est magique, Yazina. Ton regard m'intrigue, Yazina. Khardouni, Aini, Yazina. Ça, je suis dans la zik, Yazina. Mais rien n'est magique, Yazina. Ton regard m'intrigue, Yazina. Khardouni, Aini, Yazina. Yazina. Khardouni, Aini, Yazina. Yazina, ton regard m'intrigue, Yazina. Yazina, ton regard de tigresse. Chérie, calme-toi, t'es la plus belle de la tête. J'suis rempli de dettes, t'inquiète, je suis futé. J'les vois dans le rétro, j'ai de la salade dans la pluie tête. Le bonheur est où? Frangin fait des hits, hits, hits, diaboliques. Laisse-moi ton 0666, one tête. Dans le bis, bis, bis, dans la scène, j'suis un saïen sur le beat, beat, beat. Yazina, El Bambina, reste tranquille, on reste en binôme, on reste en binôme. J't'ai dans le viseur, j't'ai dans le cœur, Yazina. Ça, j'suis dans la zik, Yazina. Mais rien n'est magique, Yazina. Ton regard m'intrigue, Yazina. Khardouni, Aini, Yazina. Ça, j'suis dans la zik, Yazina. Mais rien n'est magique, Yazina. Ton regard m'intrigue, Yazina. Khardouni, Aini, Yazina. Yazina. Khardouni, Aini, Yazina. Yazina, ton regard m'intrigue, Yazina. Khardouni, Aini, j'ai mal à la tête. Et toute la nuit, j'y repense en fait. J'ai perdu mon temps, je sais plus où mettre. Et c'est même comme loin, oui. Andy Melit, Wana Yamelit. Si je pouvais, tu ne serais jamais là. Je te ferais rire dans mes gamineries. Loin du regard des caméras. Yazina, hey Bambina. J't'ai dans le viseur comme Gambino. J'pète 20 ruinards, j'paye en dinars. J'pète la plus belle, la plus fraîche du village. Ça, j'suis dans la zik, Yazina. Mais rien n'est magique, Yazina. Ton regard m'intrigue, Yazina. Khardouni, Aini, Yazina. Ça, j'suis dans la zik, Yazina. Mais rien n'est magique, Yazina. Ton regard m'intrigue, Yazina. Khardouni, Aini, Yazina. Yazina. Khardouni, Aini, Yazina. Yazina. Khardouni, Aini, Yazina.